Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go! Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Cynic. En direct et pendant une heure complète. Et c'est Yannick Carr. Planet Rap Cynic, c'est maintenant sur Skyrock. Et oui, c'est parti pour le Planet Rap consacré à Cynic. En ce jeudi soir, comment ça va? Écoute, bien. Bien, okay. Cette belle journée. Ouais, il fait beau. Il fait beau, ça fait du bien. Le son arrive dans 4 jours, l'album de ouais, Cynic, dans les 4 jours. Parce qu'en vrai, la météo, c'est vrai qu'on s'en bat un peu les couilles. Hein. Même si ça fait plaisir. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais voilà, l'album, ça arrive. L'album lundi, avant tout. Immortel 2. Pour aller aussi bien avec la pluie ou le beau temps. On ira mieux, t'inquiète. Avec l'album Immortel 2 qu'on continue à découvrir ce soir entre 20 et 21 et juste avant de débuter Planet Rap, on se rappelle comme d'hab ce qui s'est passé hier soir. Avec écoute, c'était hier soir en direct sur Skyrock. Je roule ma life à deux doigts de craquer. Je suis dans des bails de malade. Bah ouais. Je vais tous les braquer. Je suis au bout de ma life à deux doigts de craquer. Je suis dans des bails de malade. Solitaire et traqué. Ouais, effectivement. Immortel 2 lundi dans les bacs. Des derniers textes. Ouais, hein. Je préparais voilà mon freestyle de tout à l'heure. Je vois ça. On se met dans l'ambiance. Donc un invité que je te laisse présenter, il fait partie de ton label 609. Exactement, il a rejoint de la maison, il a rejoint l'écurie et voilà, il s'appelle l'artiste. Ouais, bonsoir à tous. Ça va bien l'artiste? Ça va. En forme? Très bien, merci. Je me gratte les couilles, je vous regarde, je me marre et je joue à la console, je rappe, je consomme, je paye des impôts. Tu grattes ta go, franchement chapeau. Tester l'artiste, c'est pas du gâteau, je suis Versace, t'es petit bateau, j'ai un scoop pour toi, c'est officiel. Je suis le boss de l'autotune, tant qu'il y a des sous, tu vas te faire enculer, je vais pas changer de logiciel. On m'a dit c'est trop commercial. Mais connais-tu quelqu'un autour de toi qui refuserait un paquet d'oseille? C'est la crise ma gueule. Aujourd'hui dans nos cités, y'a des petits rebeux renois qui dansent comme George Michael. Donc tu fermes ta gueule sous le pavé le soleil. Et sur le pavé le soleil. Pas de les humilier. Du rap, tu le pilier. Inclassable, inflammable, tu pas des réguliers. Les langues de pute déboulent en milliers. Clac, clac, clac, clac, délié. Banque sud, on m'a filié. Dans mon 4-4-4-4 bélier. T'as compris, moi je viens de la Teste. En zone prise sous l'épée de la dèche. La barbe noire à la benne de la denne. Car derrière chez moi, c'est le Bangladesh. Fin de la trêve, gardez la pêche. Pas question de la faire de la laisse. Yo fuck ces lois qui me prennent la tête. Je suis comme Bieber, je peux pas vendre la mèche. C'était hier soir en direct avec Cynic sur Skyrock. À part mes cicatrices, je ne regrette rien. Pompe, flingue, avocat, stop la vie d'alloca. J'ai fait du sale et j'ai fait du bien. Grosse lasse de Star Wars, rendez-vous au parloir. Ils veulent trinquer à l'honneur de ma fin. Ok, tout ça on verra bien. J'ai pris des coups, j'ai pas lâché le terrain. Bang, bang, bang, pow. L'artiste est l'assassin. Je suis au bout de ma life. À deux doigts de craquer. J'suis dans des bails de malade. Solitaire et braqué. J'suis au bout de ma life. À deux doigts de craquer. J'suis dans des bails de malade. Solitaire et braqué. Si, si. Petit pronostic, et PSG Saint-Etienne 2-1 pour Paris. 2-1 pour Paris. Ouais. L'artiste. Ouais, dur. Franchement. Non, je pense, hein, on va faire un truc. Genre 3-1, 4-1. 4-1. Okay. Ah, 4-1. Écoute. 20h21h. Et c'est Yannick Carr. En direct avec Cynic sur Skyrock. Bravo, hein, bravo à l'artiste. Hein. Un très très bon pronostiqueur. Hein. Il aurait dû parier. Putain, merde. Je sais pas comment était la fallait le trouver en cote de 4-1, mais voilà. Chapeau. Il a pas hésité. Chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste, en effet. C'est lui hier soir qui a pronostiqué le score face à Saint-Etienne. Ouais. Et deuxième finale, quand même, pour. Elle est belle. Pour les Parisiens. Ouais. Après la Coupe de la Ligue, la Coupe de France. Ouais, tranquillou, on fait notre petit chemin, pépère, sans trop parler. Mais bon, t'inquiète. Ça va, tu dois être content, ça doit faire plaisir. Ah, toi, ouais, un non, grand supporter depuis. Nous, on a connu les années sombres. On a connu des époques, des époques compliquées. Ah oui, non, mais bien sûr, ça fait plaisir. Ouais, non, c'est cool. Après, j'attends de voir, hein, tu sais, jouer des finales, c'est bien. Mais non, c'est vrai. Faut les gagner, hein, y a rien fait pour l'instant. L'important, c'est d'arriver au bout. Voilà, mais pour l'instant, c'est pas mal ce qu'on voit, donc c'est cool, on kiffe. Bon, bah, en tout cas, ça tombe à peu près à la même période que la sortie de l'album, donc c'est une bonne nouvelle. Ouais. Profitez-en pour vous ambiancer avec le son de Cynic. Yes. L'album Immortel 2 qu'on continue à découvrir. Il y aura aussi des questions. Tiens, posez des questions à Cynic avec le hashtag Cynic sur Skyrock. Posez-les aussi en direct. Il y aura des albums à dédicacer dans un instant. Et puis on débute comme chaque soir avec le concert.

Oui, et je veux surtout c'est créer mon label. Ah. Créer ton label. Bah, alors, je veux plus créer un label que chanter, en fait, c'est ça. Parce que c'est pas du tout le même métier à la base. Hein. Bah, en fait, un peu les deux, mais c'est surtout la création du label quoi, qui m'intéresse. Ouais, bah là, après, c'est une création de société, de société classique, hein, j'ai envie de te dire. Un label de musique, c'est une société comme une autre. Tu crées ta société. Et après, voilà, hein, ce qui va le faire tourner, c'est surtout les artistes qui seront dedans et comment tu vas produire tes artistes, etc. Donc, si c'est que ça, c'est, j'ai envie de te dire, c'est moins difficile que chanter. C'est plus réalisable, on va dire. Ouais. Voilà, donc je t'encourage à le faire, hein, pourquoi pas. Après, tu fais ce que tu veux, hein, comme nous en indé, toi, tu produis ce que tu veux. Et toi, voilà. C'est vrai, parce que c'est vrai que ça a commencé en indé, d'abord. Ouais. Il y a des projets qui sont sortis en indé. Ouais, on a commencé en indé, mais ultra indé, quoi. La vraie indé. Donc, vente pratiquement main à la main ou... Vente main à la main, réseau, voilà, réseau, petit réseau, etc. Tu vois, tu vas dans les Fnac, tu places 10 CD par-ci, 10 par-là. On a tous commencé comme ça, même l'affichage, etc. Sur le périph, tout ça, c'est des trucs un peu sauvages qui fait qu'au bout d'un moment, faut qu'on voit aussi ton produit, tu vois. Alors, n'allez pas tous sur le périph. Hein, non, en plus, de toute façon, maintenant, tu peux plus. Faites gaffe, n'allez pas sur les... Tu prends des lourdes amendes. Quand ni tu sur ça. L'autoroute, ni tout ça, faites gaffe, quand même. Non, mais c'était un truc qu'on voulait faire, voilà. T'as vu, nous, on faisait un peu... On était un peu fougueux, donc c'est vrai que, voilà, on mettait nos affiches un peu partout, mais c'est ça qu'on aime aussi dans l'indépendant. C'est que tu fais ce que t'as envie de faire. Si t'as envie d'afficher là, tu t'affiches là. Si t'as envie de sortir tel morceau, tu le fais. Voilà, tu gardes les clés de ton truc. Et voilà, j'estime qu'aujourd'hui, ça, c'est une grande chance. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Et puis toi, c'est vrai qu'après, il y a une signature dans ce qu'on appelle une major. J'ai connu aussi, ouais, j'ai connu les majors. Les deux facettes. Je suis pas en train de dire qu'on a fait que de l'indé. On a fait presque 5 ans en maison de disques, notamment chez Warner et chez Universal. Et après, on est revenu à l'indé. Donc voilà, on en parlait en début de semaine. C'est un choix qu'on a fait. On savait qu'au niveau des ventes, etc., ça allait se répercuter. Mais... Parce que c'est quoi? Il y a moins d'exposition, il y a... Bah, du coup, t'as plus les grosses puissances derrière toi. C'est pour ça que quand tu sors chez une major, t'as une multinationale derrière toi. Ça pousse, c'est des gros budgets sur les pubs, sur l'affichage. Aussi. Ça distribue dans les supermarchés un peu partout. Ça a des contacts pour faire de la télé, des trucs. Donc quand t'es en indé, t'es un artiste. Ans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que t'as ta petite supérette et à côté t'as Auchan. Donc, et alors tu prends quand même du plaisir à revenir en indé aussi? Ah, mais ça fait longtemps qu'on est revenu déjà. Après Ballon d'Or, quasiment on est revenu en indé. Donc voilà, non, c'est kiffant. Bien sûr, nous on a commencé comme ça. Donc ça n'a pas été un choc pour moi, tu vois. C'est la même manière de travailler. Et voilà, donc on a commencé comme ça. On finira comme ça, je pense. Le périph en moins. Ouais, on s'est calmé un peu sur le street marketing. Ça te convient, Aurélia, comme réponse? Oui. Et bah voilà. Mais moi, je voulais juste demander à Chine s'il n'y avait pas possibilité de lui parler aux antennes. Je pense que c'est possible, ouais, on fera ça à la pub. Et bah bouge pas, on va faire ça à Aurélia. Okay, et sinon, Fred, tu peux faire une dédicace à mes copines? Aurélia, t'abuses, hein. Alors après, dernier truc, vas-y, on t'écoute. Donc, une grosse dédicace à Anissa, Shana, Kathleen, Mélanie, Shaima, mes petits frères, ma soeur, mes parents, voilà. Et un gros big up à Chine et à toi, Fred, de m'avoir. C'est gentil. Et bah à bientôt, Aurélia. À bientôt. Ciao et bon courage pour la suite. Merci. Mais c'est vrai que c'est, en tout cas, voilà, pour revenir là-dessus sur le message, quand on a une idée, je pense que même si après on se plante, s'il y a quoi que ce soit, il faut aller au bout. Bien sûr. Que, voilà, monter un truc, essayer de monter un truc. Bien sûr, mais c'est, voilà, tous ceux qui peuvent le faire à grande ou à petite échelle, moi je leur conseille de le faire parce que voilà, faut toujours avoir les clés de son truc, de son business, tu vois. Faut, voilà, quand tu le gères à ta sauce, ça a pas de prix. Et voilà, c'est pour ça que si vous pouvez le faire, ben voilà, faites-le, produisez des artistes, cherchez les mecs les plus forts de chez vous. Et des fois, ça part de là, hein. Tu vois, ça part de là. Tu peux dénicher une pépite et carrément créer un très très gros truc derrière. Donc voilà, c'est ce qui motive. Et puis tenter des trucs, parce que tu le rappelais aussi en début de semaine, 609, c'est évidemment une boîte d'édition qui sort des disques, mais vous faites du clip, vous faites de l'image, vous faites différentes. Plusieurs choses, ouais, c'est ça. Notamment du clip et de l'image. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de gens maintenant qui bossent avec nous. On a réussi à développer ce truc-là comme ça, même si au départ, c'est vrai qu'à la base, c'était juste des réunions entre Karim, Nabil et moi-même. Et après, c'est quelque chose qu'on a réussi à développer. Donc voilà, qu'eux aussi, parce que eux aussi ont énormément travaillé. Et aujourd'hui, on en parlait. Il y a Jenna, il y a beaucoup de gens qui travaillent au niveau du montage, Clément. Voilà, il y a une grosse, grosse équipe, tu vois. Nous, les artistes, plus les gens qui bossent derrière, etc. Et voilà, et on kiffe parce qu'on fait ce qu'on aime, on le fait à notre manière. Chez nous, il y a pas de règles. Tu vois, on n'est pas dans une boîte où t'es obligé d'arriver à 8h pile, sinon, tu vois. Donc voilà, ça bosse à la cool. Non, elle est sérieuse. Jenna, elle est trop sérieuse justement. Mais je vois que ça commence à changer là. Elle est un petit peu moins là déjà. Elle a compris comment ça marchait chez voilà, nous. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, non, mais ça bosse, franchement, ça bosse dur. Bah, de toute façon, c'est aussi la clé. Il y a du monde hein, derrière, il y a des boîtes, artistes. Peu importe ce que vous montez, parce qu'il y a plein de gens qui vont pas monter que des boîtes de disques ou d'éditions, mais voilà, que dès qu'on monte un truc, dès qu'on veut y aller, faut s'entourer des bonnes personnes déjà. Et puis, faut foncer, quoi. Faut y aller, faut chercher. Ouais, non, c'est clair. Bah, le message, c'est ça. Elle me demandait tout à l'heure ce qu'il faut faire. Déjà, faut avoir de la volonté, parce que c'est clair que personne va venir te chercher chez toi et te dire, tiens, je te donne les clés d'un label ou de quoi que ce soit d'ailleurs dans la vie. Donc, ces trucs-là, faut aller les chercher soi-même. Faut se battre. Nous, on a commencé avec rien du tout. On avait un local dans le 91. Et puis voilà. Et puis au fur et à mesure, on a trouvé nos trucs. On est sur Paname. On s'est développé tranquillement. Donc voilà. J'invite tout le monde à le faire. C'est Nick avec nous entre 20 et 21. Avant de passer à un autre auditeur ou auditrice dans quelques minutes, on met un morceau de l'album, c'est Nick ? Ouais. On va, le cancer dans la banlieue. Bah voilà. Ouais, allez, c'est parti. Le clip est arrivé cette semaine. Le clip aussi est là. Il est dispo sur YouTube. Allez voir. Et on l'écoute maintenant. Cynique, le cancer de la banlieue sur l'album Immortel 2 qui sort le 13 avril. Si j'en ai plus rien à foutre, si je pense qu'à tout écraser, à tout prix être une machine de billets. En privé j'en oublie même de prier. De quoi en faire un drame, payer le prix du passé. Si j'ai appris à faire des liasses avant de faire mes lacets, rien dans le crâne. J'ai rendu fou les scanners. Chef, je ne baisse pas la tête, baisse ta mère. J'ai le cancer des mecs de banlieue. Personne ne m'engage. Les coups de tête, je connais que ce langage. Je vois le mal partout. Tais-toi, tu parles au portable. C'est moi qui fais des doigts, qui porte une arme dans les reportages. Syndrome de la cité. Obtenir le studio gratos. Gratter l'état avant qu'un pote pétale le matos. Le fond n'est pas mauvais, mais tellement de choses à prouver. On ne cherche pas de taf, on se plaint de ne pas en trouver. On pleure le manque de thunes. Si tu peux prendre les profs nous l'avaient dit, fallait bosser plutôt que se branler. La solidarité, on fait croire que ça nous tourmente. On collectionne les bifs collectifs dedans les tournantes. Yeah, haine gratuite, police et maton. Dommage pour se faire battre, on a nous-mêmes donné le bâton. Celui qui cherche la merde, on le baisse en mettre de vaseline. En insultant son père et sa mère comme Samir Nasri. On ne s'aime pas, maintenant c'est visible. Les trophées du hip-hop ont révélé notre hypocrisie. La force venait du nombre. Le rap s'est tué. Les seuls trophées du monde où les gagnants se faisaient huer. Alors on chante notre haine comme des rossignols. Des marionnettes qui n'ont même pas leur place au guignol. On ruine le peu qu'on a. C'est dommage, maladie mortelle. Je pense que les seules balles qu'on a tirées visaient nos orteils. Docteur, est-ce que c'est grave? Si ma route est tracée, si j'en ai plus rien à foutre, si je pense qu'à tout écraser, à tout prix être une machine de billets. En privé j'en oublie même de prier. De quoi en faire un drame, payer le prix du passé. Si j'ai appris à faire des liasses avant de faire mes lacets, rien dans le crâne. J'ai rendu fou les scanners. Chef, je ne baisse pas la tête, baisse ta mère. On préfère dire que tout est truqué. Des ignorants, si on s'affiche, c'est pas de la faute à Laurent Ruquier. Chacun ses torts, malgré ce pays raciste. En crachant sur la France, on scie la branche où l'on s'est assis. Le rôle du vrai bonhomme, une gueule de coupable. Oublie les apparences, on peut remplir les caves de poucave. Rappeur, on a ton blaze, j'espère me tromper. La loyauté prend fin là où commence la peur de tomber. Et on s'étonne qui refuse de faire de la pub trop violent. Pur parisien que des ta mère la pute au volant. Je suis de ces mômes de Tess, apparence impeccable. Une avalanche de haine sur TF1, je parle comme un P4. On veut rien écouter, on aime se saboter. On joue les mecs soudés, on fait la guerre au quartier d'à côté. Alors on compte les morts, c'est devenu un sport du sang. Dans l'horoscope, être l'équipe qui va mener au score. Sinon ça brûle des caisses, loin de la droiture. On croit changer le monde en privant le voisin de sa voiture. L'odeur du barbecue, casser les barrières. Visage masqué, y'a que Daft Punk qui a fait carrière. Plein de haine, regard égorgeur. Tous les mêmes, parce que les putes font pas des Yorkshire. Ils veulent me la fermer, sur ma tête je ne lâcherai rien. Incapable de gérer sa fierté comme un Algérien. Docteur, est-ce que c'est grave? Si ma route est tracée, si j'en ai plus rien à foutre. Si je pense qu'à tout écraser, à tout prix être une machine de billets. En privé j'en oublie même de prier. De quoi en faire un drame, payer le prix du passé. Si j'ai appris à faire des liasses avant de faire mes lacets, rien dans le crâne. J'ai rendu fou les scanners. Chef, je ne baisse pas la tête, baisse ta mère. Le cancer de la banlieue à l'instant sur Skyrock. Le clip est dispo depuis 2-3 jours maintenant. Ouais, c'est ça, c'est tout frais. On peut le retrouver sur les différents réseaux sociaux, notamment le Cynique officiel. Allez cliquer. Exactement. Allez le découvrir. C'est ça. Ouais. Non, il est bien briefé, frère. T'as un doute sur. Il lance sur les réseaux sociaux. Bon, c'est ça, à part le Insta où il faut mettre juste la petite barre du dessous. Voilà, le petit tiret du milieu sur Instagram. Non, du dessous. Ouais, t'as raison. Tiret du bas. Voilà, tiret du bas. Sur Instagram, et sinon c'est Cynique officiel partout, Facebook, Twitter, hashtag et YouTube. Cynique sur Skyrock. Il y a une question de Vincent maintenant, du côté de Sens. Salut Vincent. Yo. Salut. Ça va Vincent? Ça va être le pilier du rap français. Le pilier du rap français. Le pilier. C'est gentil. C'est peut-être trop, mais c'est gentil. Et ben il t'écoute. Il t'écoute Vincent. C'est quoi ta question? Ouais, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui te motive pour faire tes sons, qu'est-ce qui t'inspire? C'est... Le bédo. Non, t'es fou toi. Non, je sais pas, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est expliquer l'inspiration, c'est compliqué. Ouais. Je sais pas, t'es chez toi, t'as d'un seul coup, t'as une envie d'écrire comme ça, t'as des mots qui te viennent dans la tête, des thèmes, des trucs. Moi, ça m'est déjà arrivé d'écrire des textes en conduisant ou tu vois, sans musique quoi, tellement j'avais aussi, des idées, je sais pas, c'est comme ça, c'est quelque chose qui se contrôle pas vraiment. T'enregistres aussi sur le portable? Ouais, je note surtout beaucoup d'idées, des phrases, des rimes que j'ai, des trucs comme ça pour pas les perdre, parce que ça c'est un truc qui arrive souvent. Mais voilà, je note tout, ouais, des petites mélos aussi sur le Fontel, plein de trucs quoi. Donc voilà, c'est comme ça, mais c'est pas un truc que tu calcules, tu vois. C'est vrai. Il y a des moments d'ailleurs t'écris pas, il y a des périodes. Ouais, mais il y a des périodes où je me force même à pas écrire, ouais. Et après en général, c'est quand tu reviens après t'es frais, tu vois, t'es là, t'as plein d'idées, ça déborde et tout. Et quand t'es en fin d'album comme je le suis là actuellement, c'est vrai que c'est des périodes un peu compliquées au niveau de l'écriture, parce que voilà, tu viens de passer 2 ans à réfléchir, à écrire quasiment tous les soirs, etc. Donc c'est clair qu'à un moment t'as besoin de te reposer un peu l'esprit quoi, c'est normal. Ça te convient Vincent? Comment? Ça te convient? Ouais, carrément, ça me convient. Bah voilà, en fait y a pas de recette, mais non, y a pas, c'est... ouais, ça vient quand ça vient. Voilà, ça vient quand ça vient. Après c'est une habitude, moi j'écris depuis que j'ai 13 ou 14 ans, tu vois, j'ai pris cette habitude d'écrire des trucs, des petits bouts de phrases par-ci, des petits trucs par-là, donc maintenant ça devient naturel, quoi, c'est quelque chose que je fais naturellement, et voilà. C'est... Ça t'arrive de retrouver des bouts de feuilles où t'as marqué des idées, des trucs, des machins, parfois. Le papier, il aurait 20 piges. Non, mais pas de 13, 14 ans, mais là, que t'as mis de côté, que tu retrouves. Non, à une époque, ouais, sur ça, c'est quand tu déménages en général, ou un truc comme ça, tu retrouves des anciens cahiers, des trucs comme ça, avec des textes à l'ancienne et tout, c'est marrant, tu réécoutes ça, c'est marrant. Et ben voilà, Vincent, pour ta réponse. Ouais, il y a moyen que je passe une petite dédiée avant de partir. Vas-y, on t'écoute. Une petite dédiée à Zaza59, Linko, Freddy, Babtou, Rémi59, Boca, la nuisance sonore. Une petite dédicace à toute la team Cynique sur Facebook qui soutient l'album. Yes. À Linko qui s'est pris une petite patate ce week-end au calme. Ah, et à toute la team Skyrock. On savait pas ça. C'est des choses qui arrivent. Il y a un grand monsieur aussi qui me fait kiffer le rap depuis tout petit. Ah non, Linko, c'est un bon, t'inquiète, il soutient depuis le début, je le vois depuis le début de la semaine, il est là, on l'a dédicacé, je crois, lundi ou mardi, mais voilà, force à lui. Force à toute l'équipe d'ailleurs, Mani. Et c'est vrai qu'il y a une grosse équipe, toute l'équipe de la team Cynique, quoi, ils sont là, ils sont présents, et ils font plaisir. Ouais, on est présents en soutien. On les voit au quotidien, t'as vu, on est là dans des périodes de creux, des fois l'album il sort dans un an, t'es là, tu vois, t'es en période de studio, en période de... Tout le monde. Non mais c'est la vie de tous les artistes, hein, t'as vu, si tu connais un mec qui a été au top toute sa vie, les albums il en finit un, l'autre il est prêt le mois d'après, etc. Moi perso j'en connais pas, donc il y a toujours une période de création, c'est long, en général c'est une période qui est assez longue, t'es un peu, je te dis, en période de maquette, tu vas dans des petits studios, t'es tout seul, etc. Et de voir que t'es soutenu en permanence, que les gens ils sont là et tout, c'est des trucs qui motivent vraiment à aller au studio, à gratter, parce que tu sens que les gens ils sont toujours là, donc voilà, force à ma team Cynique, tous les gens qui soutiennent, voilà, on les remercie sincèrement. Et merci à toi Vincent. Je vous en prie. Ciao, passe une bonne soirée, merci à Vincent, merci à vos questions aussi qui arrivent sur le hashtag Cynique sur Skyrock. Tiens, on va Yaxer aussi un petit coup. Yax, c'est une application où tu connais l'appli, c'est pour donner ton humeur du jour, ton humeur du moment. On va en faire un petit peu ici, on va Yaxer 2-3 trucs. On va saluer Fab de Hit Sushi Rinci, qui vient de nous rincer d'ailleurs avec des sushis. Putain, j'ai vu ça. C'est un pote de Momo, il arrive. Je croyais que c'est le gâteau d'anniversaire à Joy. Momo est dégoûté parce qu'il pensait se faire les sushis tout seul, et ben il va devoir partager. C'est con. Attends, excuse-moi, je suis obligé de passer une petite dédicace, frère, parce que le bonhomme il est derrière, il croyait qu'on allait l'oublier. Ah, c'est l'anniversaire de DJ Joy, voilà, un gros big up à lui, bravo, on peut l'applaudir, la famille. Donc DJ Joy qui t'a rejoint. Voilà, en fait, quand les sushis sont arrivés, je te dis la vérité, je croyais que c'était son gâteau. Je me suis dit, ce gars, ils sont OP, ils font des surprises maintenant et tout. Non, c'est Momo en fait, il voulait se régaler en scred. Momo, il aura rien du tout. Attends. Momo, je vois, il est là, il louche sur le truc. Sur le plateau. Bon, merci à Fab en tout cas qui nous a livré ça. Et bon anniversaire à toi, Joy. DJ Joy, il est OP, il a fait les medley, les freestyles. 28 piges, c'est ça? 28 piges. Bah écoute, ouais, il a bien défoncé, bien bossé cette semaine. Ah, il a, comme toujours, t'as vu, il est là. Et comme tu disais, ouais, il a rejoint l'équipe récemment. Ouais. Et voilà, il vient de l'école à DJ First Mike, c'est ça? Je dis pas de conneries, c'est la même équipe. Donc voilà, quand tu connais le bonhomme, tu sais que quand il te ramène un autre gars, c'est du lourd aussi. Et voilà, et depuis, je sais qu'il tourne avec Kaina, il bosse aussi avec moi, il bosse avec quasiment tous les artistes du label. Donc voilà, force à lui. Et bah, bon anniversaire à lui, bougez pas dans un instant. Nous serons de retour avec Cynic, son Planète Rap. On met aussi Contradiction, c'est ça? Ouais, on va mettre Contradiction, on va remettre Une Main aussi, je crois. Et il y a un titre inédit qu'on va découvrir ce soir. Hein. Ouais, exactement, il s'appelle Repenti. Repenti, on en parlera tout à l'heure. Ouais, vas-y. On l'écoutera, on en parlera après. Fin d'émission, vas-y. Il y a beaucoup de choses sur le morceau que. Yes, on peut en dire. Et bah, bougez pas, on revient juste après ça. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Cynic pendant une heure complète ce soir. Planet Rap. Planet Rap Cynic. Et l'album Immortel 2 qui sortira donc lundi 13 avril, à pas louper, en précommande dès maintenant, on peut y aller. Ouais, en préco sur iTunes. Et jusqu'à dimanche, il y a deux titres. Jusqu'à dimanche, ouais, c'est ça. Deux titres en plus, donc allez-y. Ceux qui veulent cette version, c'est jusqu'à dimanche. Le freestyle par téléphone, ça arrive. Petite question aussi pour repartir avec un album dédicacé. Question simple si vous suivez le parcours de Cynic. En 2005, après avoir sorti plusieurs projets, dont Malsain en 2000, Artiste Triste en 2001, en attendant l'album en 2004, comment s'appelait le premier véritable album de Cynic? Question simple. Ouais, pour ceux qui suivent internet, c'est super simple. 41759, allez-y avec le hashtag Cynic sur Skyrock. Il y a des albums dédicacés à choper. Vous répondez à la bonne question, vous repartez avec votre album. 41759 par SMS. Et on avait dit qu'on mettait quel morceau? On va mettre Inhumain. Inhumain? Ouais. Inhumain? Ouais, Inhumain. Et après, on va continuer à dérouler, t'inquiète. On va remettre aussi Quand je serai grand. Ah oui, Quand je serai grand, qui est beaucoup demandé, ouais. Ouais, qui est demandé un peu partout. Donc voilà, on va le remettre tranquillou. C'est parti sur Skyrock. Inhumain maintenant, extrait de l'album de Cynic. J'ai vu la mort tourner en boucle, comme une vieille nympho, filmée de près sur toutes les chaînes d'infos. Que de la quantité pour beaucoup, et c'est les mecs qui nous font croire au coup de la carte d'identité. Leur manque de lucidité, montrer la mort au public entre deux publicités. J'ai peur de BFM et du télé, mais par les temps qui courent, frère, faut faire Bellec, j'ai pas dit Nikele. Ils s'enfoncent dans la brèche, en garde à vue, ils mettent des gosses de 8 piges devant leur père, les repères à la crèche. De la merde au fond de la rétine, terroriste avec une tétine. Veulent nous comparer. Ça sort lundi 13. Les voir si leur maison avait la gueule de leur maison d'arrêt. Le mal est financier. La juge fera la mort dans chaque pénitencier. Les droits de l'homme s'arrêtent devant la porte. Ne crois pas que c'est drôle. Dédicace à Mélina. On veut planer. Après minuit, je ne vois que des drones. Les frères sont des bouteilles. Qu'est-ce que tu veux parier? 2 grammes au fond du corps. Il sert un verre en faisant le poirier. Tout n'est qu'une parodie. Rappeur de test. Moi, si je chante avec une barbe, ça fera peur. Je suis pas Pavarotti. Pas là pour faire de l'esbrouf. Tu sors du poste avec tes bleus, t'as l'air du chef des schtroumpfs. Nerveux quand ça paiera. Le flic me connaît bien. Paris, c'est devenu plein de caméras. Nous voilà comédiens. GBR Family. Font des choses insensées. Les mêmes qui rigolaient. Les Ulysse, les bergères. Les chimpanzés. Peut-être inconsciemment. Pour où les noirs sont des voleurs. Mais ils oublient que les hommes blancs lui prennent ses gros diamants. Ça pue l'hypocrisie. Mais que vous dire de plus? La preuve, porter le voile ne dérange pas dans les boutiques de luxe. Tu rêves d'un bel appart. Les mères, les plus battantes s'enlisent dans la misère. Tu veux la voir, 10 ans de liste d'attente. Parfois on loupe le casse. Impossible de faire comprendre à la justice qu'on a plus que ça quand on nous coupe le gaz. Pas le temps d'être ému. Le monde est un tarba, braqué le PMU. Chez nous c'est ça, vouloir faire un tabac. Les hommes se font la guerre, ont de la peine. Alors les propos choquent. On n'efface pas la haine, même avec Photoshop. inhumain à l'instant. Comme le disait tiens Ali via le hashtag cynique sur Skyrock, un morceau que t'as dû écrire récemment parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de références à l'actualité. Ouais. C'est l'avant-dernier même que j'ai écrit. C'est l'avant-dernier celui-ci, ouais. C'était dans le dernier mois celui-là. Mmh. Donc toujours voilà avec côté un peu de la colère, toujours un peu. C'est un truc que j'ai remarqué sur tous les albums quasiment en général, les derniers morceaux c'est souvent des morceaux efficaces. Mmh. C'est-à-dire que tu bosses longtemps sur l'album et en général à la fin, vers les 15 derniers jours, t'arrives toujours à en faire un qui tue et qui va être important au final dans le projet, tu vois. Alors comment t'expliques ça en fait toi, c'est... J'en ai aucune idée, c'est peut-être parce que tu sens à la fin de l'album arriver, tu mets, je sais pas, tes dernières forces, tu mets ta pêche, tu mets tout ce que t'as. J'en sais rien du tout, mais c'est un truc qui est assez courant en fait, qui m'est arrivé assez souvent. Et pour tous ceux tout à l'heure qui demandait sur l'inspi, tout ça, l'inspi ça peut être aussi voilà en bloquant sur des faits d'actualité. Ouais, elle a été assez chargée, il s'est passé pas mal de trucs et tout, donc je suis comme tout le monde, je vis dans ce monde-là, je vois ce qui se passe. Et forcément en tant qu'artiste ça m'inspire des trucs, donc voilà, c'est ce que j'ai eu envie de faire. Et voilà, et je pense que le fond même du rap à la base c'est ça, c'est aussi dire des choses, tu vois, parler de choses sérieuses, etc. Parce que le discours, le message, etc. c'est l'essence même du rap à mon avis. Et donc voilà, s'inspirer de l'actualité, de choses qui que t'estimes injustes ou de plein de trucs en vrai, bah pour moi c'est ça le vrai rap. Donc voilà, je m'inspire beaucoup de ça. Et ben on aura un autre morceau aussi très inspiré, un titre inédit qu'on pourra découvrir tout à l'heure. Hein. Repenti. Repenti à pas louper. Juste avant par téléphone, on est avec Easy Dream de Bobigny. Ouais, allô. Comment ça va? Wow, calme-toi. Bah pareil, et toi en forme? En forme, ouais, un peu KO, ça sort du taf. Bon, bah, je te présente Cynique, il est là avec nous. Salut, refait. Oh, mec, ouais, c'est Cynique, ça veut quoi? Ouais, tranquille, frère. Aïe. Bon. Franchement, l'album, j'espère qu'il sera lourd. Ouais, bah, t'inquiète, on a donné le max. Hein. Ouais, de toute façon, je suis avec toi, j'ai précommandé au calme. OP, frère, OP. Est-ce que tu es prêt à nous lâcher ton freestyle maintenant? Ah, là, je suis chaud. Eh bah, si t'es chaud, c'est le moment ou jamais après le taf. Le taf, la pâture. Ouais. Il nous reste des forces après le taf. Ok, d'accord. Yo. Easy Dream, yeah. Oh. Je regrette tous tes sourires alcoolisés. Aujourd'hui, je traverse la mer à la rame en solitaire. Je regrette d'avoir fumé tout l'été, d'avoir donné ce que j'ai pas, de voir mes frères enterrés. J'ai mal au cœur, j'ai mal à la tête quand je vois un dealer en train de se moquer de ma peur. J'ai la tulle sale et des petites pisseuses. Quand je bois, je suis taille et quand je pêche, je les rends heureuses. Mais dans cette vie, tout le mal est un bien, tout le bien est un mal. Être homo, c'est normal. La vie part en couille, pensez-vous que je suis fou? Mais des doux, c'est normal, dis la vérité, on s'en fout. De voir mes frères en train de danser le diable. Très peu de gens fiables, j'écris du rap pitoyable. Dans le fou, je pense en perdu, je connais la forme, je suis têtu. Le rap en train de caler aujourd'hui, il pisse pas à collaborer. Tata a dans le fou et moi je suis en train de le manger. Tout d'abord, je mange pas les os, je risquerais de m'étrangler. En danger, j'appelais plus Dieu, histoire de m'arranger. Il est temps de me ranger, chatine, il peut me manger. Je pourrais pas te dire, si demain j'irai prier. Il pisse à prier le dessus, mon Dieu, je peux pas me retirer. Ça retire dans tes cas pour un quartier. Plaquette, il me rend lunettes, quartier chicot, non les bacs dorés. Adorer que Dieu, pas les idoles. J'y critique pas eux, je les ignore. Arrive un âge précis, j'ai vite compris que si on se trouve au Moyen-Âge, tout ghetto finirait dans l'esclavage. Dans un bavardageur de colle. Par contre, des que dans cette France, il faut s'intégrer, mec. Nous, c'est foutu, l'itinéraire de nos vies se ressemble. Un frère à terre, tous les bruits de l'ambulance. Oh merde, les bruits de la daronne. Une conscience pas tranquille, pareil, la tort. Ouais. Eh ben merci à toi Easy Dream, bravo. Je t'en prie. Bravo à toi. Bah, je te remercie, ça fait plaisir. On peut te retrouver sur le net, tu veux balancer 2-3 dédicaces, vas-y c'est le moment. Oh, dédicace à Christian, Lolasson, à Samy, Tabour, tous les gars, tous mes vrais, tout ça. Et vas-y, grosse dédicace à Cynique aussi, pour si, ton album, si. Allez l'acheter les frères, allez l'acheter. Merci mon frère, merci OP. Voilà. Merci à toi. Les gars. Passe une bonne soirée, Easy Dream par freestyle, par téléphone, en freestyle à l'instant. On met le morceau inédit maintenant? Vas-y, ouais, c'est parti. C'est parti, on dit rien avant. C'est le bon moment. Ouais, vas-y, on le fait écouter aux gens et on en parle. Et bah, réagissez aussi en même temps, tiens, en écoutant ce morceau. Dites-nous ce que vous en pensez. Le hashtag cynique sur Skyrock pour réagir. Et donc, ce morceau est extrait de l'album Immortel 2. Pardonner, comme une faute avouée. Mais manque de peau, j'ai la peau tatouée. Est-ce que le ciel oubliera Est-ce que la foi peut suffire? Est-ce que la porte s'ouvrira? Impulsif, souvent mal réveillé, on me demandera ce que j'ai fait de bien, il faudra pas bégayer. Si la misère me concerne, ce que je donne pour l'Afrique, à part des tonnes de concerts, mes affaires sont prospères. Idolâtré, mais qui suis-je pour qu'on m'affiche en poster? J'aurais moins peur du coup près si je retenais mes prières au lieu d'apprendre mes couplets, frère. Et toutes les cités de France, au fond, me connaissent. J'ai fait des bas-fonds, mon fond de commerce. Comment ne pas craindre les flammes, se sentir impliqué? Déjà qu'on pleure avec un simple briquet. Souvent je ne pense qu'à ma poire. Je vais les payer, tous ces t-shirts à ma gloire. Peur du jugement suprême, les flammes de l'enfer. Ce genre de peine impossible au tribunal de Nanterre. Au paradis, ça sent le musc. J'étais prévenu, mais la vraie force, elle est dans le crâne, pas dans le muscle. La prière t'enrichit, on est les seuls décideurs. Faut pas qu'on monte avec un compte débiteur. Les attitudes, mon métier. Mes habitudes, mon train de vie, j'ai oublié qu'on m'épiait. De la haine en musique, y'avait mieux à prêcher. C'est pas au rayon savon qu'on peut laver ses péchés. Que du rap énervé, le paradis c'est pas une boîte sur les champs. Y'a pas de table réservée dans une course au dollar. Entouré de plein de filles, génération McDonald's, impardonnable train de vie. Tellement d'erreurs de parcours, les belles rebeux, le célibat, la beuh, les Pays-Bas. Parce que le diable est dans tous les coins. Sur le permis du paradis, à cause de lui, j'ai plus tous mes foins. Cicatrices refermées, j'avais perdu la tête. Que des actrices de charme, que de la piste de chat. Le mariage devant Dieu, ressentir les emmerdes. Si tu savais que t'allais mentir, fallait le faire devant le maire. Un bon fond, mais des milliards de lacunes. La femme, c'est la parole, si t'es un homme, t'en as qu'une. Toujours les yeux couleur weed. Y'a que le ciel qui jugera, c'est pas leur père ou leur tweet. Parce que la vie n'est qu'un test. Faudra faire bien mieux qu'un texte. Je reverrai toutes mes actions. Pêle-mêle, bouche cousue, elles parleront d'elles-mêmes. Triste façon d'agir, je me connais par cœur. Tous mes talents d'Achille, tous mes talents d'acteur. Des refrains me conseillent, je les remercie tous. Dire que les anges pour certains sont sur énergie tous. Avant que l'image que tu renvoies soit ternie, t'auras qu'une chance tout là-haut, c'est pas le bac ou le permis. Certains disent que je triche, que je fais partie des traîtres. Parce que j'ai pas fait tout un scud comme les prêtres. Authentique, repenti. Reprends-toi, il est trop tard lorsque le gong retentit. Je peux mourir en 2-2, que le ciel me pardonne. Je parle foot et smartphone au lieu de parler de Dieu. J'ai bon cœur. Un conseil, lorsque la prière t'appelle, ne mets jamais le répondeur. Vie d'artiste gâté, j'ai si peur de mon ombre. Au lieu de prier le ciel, je leur fais crier mon nom. Qui j'étais en fait, crapuleux. Demande à Moussa, honnête et frauduleux. Peut-être un peu tout ça, le ciel se mérite. Opinion super franche, avoir une place première classe. On le voit sac sur Air France. Devant la porte, comme une bête effrayée. Une seule question dans la tête, est-ce que la dette est payée? Oui, comme une bête effrayée. Je serai dans les flammes de l'enfer ou dans un rêve éveillé. Jeune en perdition, nique le sport, se déchire au jack. Oui, les boîtes de nuit font plaisir au diable. Moi, je ne bois pas, je suis dans le coin fumeur. Si Dieu le veut, je monte dans moins d'une heure. Titre inédit celui-ci, on l'est pas passé encore. Hein. Ouais, on l'a gardé au chaud. Bon, c'est un morceau comme tu les aimes aussi, pas ouais. De refrain ou ça kick. Voilà, c'est l'essence même du rap. T'as tout dit, y a pas de refrain, j'ai pas besoin d'en mettre dans tous mes morceaux. Moi, je cherche pas forcément à faire danser les gens, je cherche aussi à les faire réfléchir un peu. Tu vois, c'est une autre manière de concevoir la musique, mais voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que j'aime, c'est ce que je pense, je sais faire le mieux, donc c'est ce que j'ai fait dans cet album. Repenti, pourquoi le titre justement sur... Ah, parce qu'on a tous une vie ou un passé de pirate. Moi, j'ai fait beaucoup de conneries dans ma vie, tu vois, des trucs dont je suis pas forcément fier, mais la chose dont je suis fier, c'est que j'ai pris conscience de ça. Tu vois, j'ai fait un boulot sur moi-même, j'ai avancé aussi dans ma vie, et voilà. Et aujourd'hui, je suis passé totalement à autre chose. Tu vois, j'ai d'autres objectifs, j'ai pris du recul sur pas mal de choses. Y compris sur ce qui m'était arrivé dans la musique, sur ce qui m'était arrivé dans ma vie en général et tout ça. Et voilà, et j'ai voulu se faire ce morceau-là sans le côté moralisateur, etc. Ouais. Parce que si je l'avais pas fait avant, c'est justement que j'estimais que j'étais pas suffisamment armé peut-être ou suffisamment droit pour pouvoir le faire, tu vois. Donc c'est encore une fois, c'est pas un morceau que t'écris à 20 ans, je pense. Ouais, celui-ci, ouais, repenti. Ouais, c'est un morceau de mec qui réfléchit sur sa life, sur ce qu'il a envie d'être plus tard. Tu vois, on a tous des convictions, alors sans rentrer dans les détails religieux, etc. Mais voilà, moi aussi j'y crois et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, tu vois, c'est la droiture, c'est être quelqu'un de bien, je me fous très sincèrement de des trônes, des tops, des tu vois, de tous ces trucs là. Vraiment, vraiment, je m'en bats les couilles. C'était comme ça déjà à l'époque. Mais ouais, t'as jamais eu non plus ce même si même à l'époque où ça marchait, j'ai pas de souvenir. Même à l'époque où on était en haut, où on était dessus, tu vois, on n'en parlait pas. Donc c'est ce que je te dis, c'est quelque chose qui m'a jamais intéressé, qui m'intéresse de moins en moins en fait. Tu vois, je prends beaucoup de recul par rapport à ça. Moi, ce que j'aime dans la musique, c'est le plaisir de faire de la musique avant tout. Tu vois, c'est pas le plaisir de me la raconter ou quoi. Donc voilà, donc j'ai pris beaucoup, beaucoup de recul et ça m'a inspiré ce morceau-là. Il est né à quel moment celui-ci justement celui-là, il était au milieu, on va dire, quasiment au milieu de l'album. J'ai dû l'écrire il y a, je sais pas, 7-8 mois, un truc comme ça. Au moment où, voilà, où t'avais le temps de souffler un petit peu. Ouais, tu le fais sur 2 ans l'album, donc forcément, en 2 ans, tu passes par plein d'humeurs différentes. Tu vois, il y a eu des moments où ça me saoulait, où j'en avais marre de certaines choses. Il y a des moments où t'es un peu plus joyeux, t'es un peu plus cool, ça va un peu mieux dans ta vie. Donc tu fais des morceaux qui, tu vois, ça se ressent en fait. La musique que tu fais, elle se ressent par rapport à la vie que tu as au moment où tu l'as, tu vois. Et voilà, et quand je suis dans une réflexion avec moi-même, c'est-à-dire chose qui m'arrive très souvent, et ben voilà, je fais des morceaux comme ça, tu vois. C'est des morceaux qui peuvent parler à tout le monde parce qu'on a tous un vécu, on a tous fait des erreurs et on a tous, je pense, en tout cas j'espère, l'envie d'être meilleur, tu vois. Aujourd'hui, à 4 jours de la sortie, tu te sens comment? Serein, je pense, serein. Que tu le vois de toi-même, hein. On est serein, on était plus stressé justement quand on était jeune, que c'était les premiers albums, il y avait beaucoup de pression, il y avait beaucoup de trucs, tu vois. Aujourd'hui, voilà, on a fait notre chemin, on est content, on en est fier. Sincèrement, j'ai pas à rougir de tout ça. Et voilà, et je suis content, tu sais, les dés sont lancés, l'album il est fait, tu sais, on va pas stresser non plus, on va pas se pourrir la vie. Donc voilà, on attend calmement. Et puis il y a une grosse équipe qui suit, hein, je vois, tiens, il doit lire 2-3 messages, j'ai eu les larmes aux yeux et des frissons repentis, le texte est trop trop trop fort, c'est Kaina qui nous envoie ça. Respect, cynique. T'es un mec simple, poteau, reste comme ça. Tiens, c'est Linko, je crois, qui a envoyé un petit message qui était dédicacé tout à l'heure. Il est toujours là. Sensé et mature, nous dit Daytona 59. Allez-y, hein, du lourd, le nouveau son, les frissons sont toujours présents. C'est Mel Angel qui nous envoie ça, du 7-6. Le son là, c'était une tuerie, Mohamed qui nous envoie ça. C'est cool. Bref, une grosse équipe qui suit et qui apprécie a priori. Ouais, aussi. Voilà, tant qu'eux, ils aiment, tant que ceux qui m'ont toujours aimé aiment, tu vois, tant qu'on déçoit pas les gens qui étaient là à la base, c'est l'essentiel. C'est ça qui me ferait vraiment mal, tu vois. Après, essayer de faire plaisir à des gens qui s'en battent les couilles, qui au final iront jamais acheter ton album, c'est quelque chose qui m'intéresse plus, tu vois. Donc maintenant, je fais plaisir aux gens qui sont là, qui ont toujours été là, et moi-même, je me fais plaisir parce que c'est ce que j'aime faire. Il y a des morceaux justement dans ta discographie que tu referais plus ou que tu t'assumes un peu moins? Non, honnêtement, non, parce que même si on les a fait, c'est qu'on voulait les faire à l'époque, tu vois. Donc ne pas assumer un morceau, c'est quelque part ne pas assumer une partie. Ouais, de bon, assumer, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais non, mais après, il y a plein de trucs que j'aurais changé, tu vois, mais c'est plus des détails. Ouais, ce refrain, c'est vrai que moi j'arrive tout de suite à savoir, même en réécoutant un morceau il y a 10 ans, si j'étais en forme ce jour-là au studio ou pas, tu vois. Si j'avais de l'inspi, si j'en avais pas, si je l'ai écrit sur place, si j'ai eu le temps de l'écrire à la maison, tu vois, c'est des trucs, tu te connais. Ah, t'arrives à te souvenir sur chaque morceau? Ah ouais, direct, je où le sens, t'étais, je le sens. Dans quel trip t'étais, dans quel... Ouais, bien sûr, je m'en rappelle. J'ai rien qu'en écoutant le texte, je sais dans quel état d'esprit j'étais, comment je l'ai écrit. Je te dis, si je l'ai écrit à la maison, si je l'ai écrit en studio, dans comme studio, ça, ouais. Un peu à l'arrache, à la dernière minute, que tout le monde m'attendait, fallait que je le pose. Bref, c'est des trucs, j'arrive à le voir tout de suite. Cynique avec nous. Entre 20 et 21, on a le temps de balancer encore un petit morceau, je pense, peut-être même deux d'ailleurs, hein, si on fait vite. On a dit, on va remettre Quand je serai grand déjà, quand et si on mettra Contradiction. Eh bah, ben, c'est parti pour Quand je serai grand maintenant, extrait d'album qui sort lundi 13 avril dans les bacs. Quitter la merde, m'offrir un domaine juste au bord de la mer. Un jour quand je serai grand, vous verrez, je serai blindé. Tout seul au quartier, je prendrai le raté. Plus tard quand je serai grand, y'aura plus de galères, de thunes, de salaire. Je pourrai aider ma mère. Un jour quand je serai grand, en amour, en affaires, je ferai ce que je dois faire. Je serai franc et sincère. Plus tard quand je serai grand, j'aurai des frères dans tous les tiers car grosse équipe d'ici à Seymar, la crème de la banlieue, la crête à Neymar. J'aurai ma bête de villa, mon Panamera rouge, caméra thermique, bouge et je te termine. Quand je serai grand, je serai libre, frère. Je veux pas la vie de merde qu'on voit dans Prison Break ou dans la ligne verte. Tout Paname sera mon camp de base, man. On dira champ de cannabis et non plus champ de Mars. Je veux faire des grosses liasses. J'y pense quand je me couche, me faire un gros niax, une douche avec ma grognasse. Des rêves de mariage en grande pompe, ils mettent des milliards. T'inquiète, on peut faire mieux que Kate et William. Les sauts, c'est pour la famille. Un vol sera frété, que tout soit réussi, ou le traiteur se fera traiter. Ma vie entre les mains, plus tard je serai bandit. Un bad boy ou Gandhi, promis quand j'aurai grandi. J'pourrais quitter la merde, m'offrir un domaine juste au bord de la mer. Un jour quand je serai grand, vous verrez, je serai blindé. Tout seul au quartier, je prendrai le rinté. Plus tard quand je serai grand, y'aura plus de galères, de thunes, de salaire. Je pourrai aider ma mère. Un jour quand je serai grand, en amour, en affaires, je ferai ce que je dois faire. Je serai franc et sincère. Plus tard quand je serai grand. Jamais de la vie les murs de prison, les endroits sordides. Frère, je ferai du son, y'a que mon scud qui pourra sortir. Je serai le boss pour pas être smica, un peu comme une espèce de Bill Gates en version bifka. Plus grand, j'aurai la classe, armé comme à Tripoli. Ça tire si demain je croise mes rivaux rue de Rivoli. Je ferai des selfies, j'aurai la belle vie. Un spliff avec un son de jazz, un string sur un avion de chasse. Gros, je suis dans mon délire, sinon je finis statique. Tant pis si je vois les choses en trop grand, genre Mimimati. Les femmes ça coûte cher, au compte en banque ça laisse des stigmates. Mec, tu baisseras pas avec des Big Mac. Alors à monnaie drop man, je ferai parler la crosse. Surgir avec mes potes, bam, venir braquer la grosse. Le son sera ma passerelle, je veux juste casser la brosse. C'est entre coups jusqu'à dimanche, la famille mortelle 2. Je pourrais quitter la merde, m'offrir un domaine juste au bord de la mer. Un jour quand je serai grand, vous verrez, je serai blindé. Tout seul au quartier, je prendrai le rinté. Plus tard quand je serai grand, une de salaire, je pourrais aider ma mère. Un jour quand je serai grand, dédicace à Scrimi, détarteré. Je ferai ce que je dois faire, je serai franc et sincère. Plus tard quand je serai grand. Un jour quand je serai grand. Qu'est-ce que tu voudrais faire toi plus tard quand tu seras grande? Moi plus tard je souhaiterais être styliste. Plus tard quand je serai grand. Et toi, dis-nous tout. Moi plus tard quand je serai grand, je voudrais faire astronaute. Un jour quand je serai grand. Moi plus tard je vais être un putain de rappeur ou footballeur. Je vais tout niquer, je vais me faire grave de l'eau. Je pourrais quitter la merde, m'offrir un domaine juste au bord de la mer. Un jour quand je serai grand, vous verrez, je serai blindé. Tout seul au quartier, je prendrai le rinté. Plus tard quand je serai grand, y'aura plus de galères, de thunes, de salaire. Je pourrais aider ma mère. Un jour quand je serai grand, en amour, en affaires, je ferai ce que je dois faire. Je serai franc et sincère. Plus tard quand je serai grand. Quand je serai grand à l'instant, ça, si, c'est un morceau, c'est aussi un morceau qui est énormément demandé, hein, celui-ci. Hein, ouais, celui-là, il a la cote, c'est cool. Continuez 41759, le hashtag Cynic sur Skyrock pour répondre aussi à la question tout à l'heure on a posé. Comment s'appelait le véritable premier album de Cynic? La réponse est. Je peux le dire. Bah oui, tu peux le dire. La main sur le cœur. La main sur le cœur, évidemment. Ah, gros carton aussi pour cet album. Ouais, on avait bien démarré. Ouais, gros carton avec la main sur le cœur. Et bah, bravo à tous ceux qui repartent avec l'album dédicacé de Cynic. Et avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette, on a dit qu'on mettait un dernier son, Cynic. Ouais, on va mettre Contradiction. Mais juste avant, je voudrais passer une petite annonce vite fait. Juste dire que je serai à la Bellevilloise pour le Ghetto Fab Show 2. Samedi, donc voilà. Ce samedi. Voilà, exactement, la Bellevilloise. Donc venez nombreux, Ghetto Fab Show 2, il y aura d'autres artistes, notamment Niro, Worms Tireur, le Poto Six, donc voilà. Venez nombreux, la famille, venez soutenir. Donc loupez pas un petit passage la là-bas. Bellevilloise à Paris avant une tournée aussi, je pense que tu bosses là-dessus aussi. Ouais, bah on est dessus, on va commencer à répéter tranquillement et puis voilà, on va se préparer pour cet été et toutes les dates qui vont arriver. D'ici la fin de l'année 2015, peut-être dans la deuxième partie aussi. Voilà, la scène, ça manque, c'est ça qui manque. Et bah de retour bientôt sur les différentes routes de France Cynic. Et là, on écoute donc ce morceau avant de faire tourner la roulette, c'est Contradiction. Lundi dans les bacs. La drogue nous a baisé la tête. Ma parole, on respecte les grands de la tête. On parle mal à la daronne. Parfois on rit du mal. Ridicule, on met des armes dans nos clips. On craint plus Dieu, on flippe du tribunal. Des fois je comprends plus l'homme. Il aime sa go mais tape du poing. Pour lui la carte fidélité sert au kebab du coin. L'enfer il s'y promène. Main dans les poches, il a les clés du nouveau Porsche. Mais il préfère voler des Citroën. Ils interdisent le joint. Preuve à l'appui pour la vie des gens. Pourtant ils vendent du vin depuis la nuit des temps. Alors ils signeront mon arrêt de mort parce que fumer ce n'est pas bon pour la santé. Parole de vigneron. Aimer peut faire du mal. En cachette, allez les bleus. Femme battue, elle s'encourage, allez les bleus. Avoir un prince charmant, elle te rabâche. Avoir ce triste but faux, elle ne s'attache qu'au roi des fils de la triche. Vie paradoxal, riche grâce au crime, au football ou à la boxe. Taille spliff à la bouche, nique tous les honneurs. Tise comme un ouf pour être ivre de bonheur. Au royaume de la triche, vie paradoxal, riche grâce au crime, au football ou à la boxe. Taille spliff à la bouche, nique tous les honneurs. Tise comme grosse dédicace pour le Québec. Ivre de bonheur. Ici on parle comme des bénévoles. Limite pâle, on prétend que c'est la crise. On met 1000 balles dans un téléphone. Des hommes en chute libre. En vrai ça survit, des durs dans leurs clips. Pendant que leur mère mange que des curly. Je ne cautionne personne, l'homme est maître de lui. Ouvrir le feu est aussi bête que du maître de l'huile. Ils parlent de liberté, font de la dictature. Demain si je vous baise, m'en voulez pas, c'est une caricature. Ambiance parano, aucune tendresse envers sa mère. On dit je t'aime à des putains, on n'en pense pas un mot. J'ai peur de ce qu'elles deviennent. Elle ne couche pas le premier soir pour faire la tasse, elle attendra le deuxième. On le sait désormais, tu perds la vie en garde à vue. Aucun voyou n'est plus dangereux que le quai des orfèvres. Ils parlent de l'islam, polygame, tous des faux culs. La première dame de France le est royaume conclue. De la triche, vie paradoxale, riche grâce au crime, au football ou à la boxe. Taille spliff à la bouche, nique tous les honneurs. Tise comme un ouf pour être ivre de bonheur. Au royaume de la triche, vie paradoxale, riche grâce au crime, au football ou à la boxe. Taille spliff à la bouche, nique tous les honneurs. Tise comme un ouf pour être ivre de bonheur. Quand on est jeune, on veut rapper sa ville. Paradoxal, rester ici à 35 piges, s'appelle rater sa vie. Bagarre au verre pilé, faut assumer. On dit aux petits de pas fumer. Ce qu'on préfère, nous c'est les faire dealer. Ils prennent la peine de mort, ces fils de chiens, ils ont le même harnais. Ils coupent la main qu'ils ont eux-mêmes armée. Donc ils crient liberté, port d'armes. Team Cynic, les deviennent moins rares que certaines Jordan. J'ai de quoi souiller son linge. Contradiction, c'est le ça frère. Ça se passe sur Facebook, Cynic officiel, Instagram, pas de raison valable. Twitter, contradictoire comme un Le Pen au rayon halal. Le royaume de la triche, vie paradoxale, riche grâce au crime, au football ou à la boxe. Taille spliff à la bouche, nique tous les honneurs. Tise comme un ouf pour être ivre de bonheur. Au royaume de la triche, vie paradoxale, riche grâce au crime, au football ou à la boxe. Taille spliff à la bouche, nique tous les honneurs. Tise comme un ouf pour être ivre de bonheur. À l'instant, Contradiction, le clip est aussi dispo pareil hein, yes. Sur ta chaîne, on peut tout le retrouver. Ça, tout ça, c'est sur YouTube. Cynic avec nous, tous les soirs entre 20 et 21, c'est déjà la fin de l'émission, ça passe vite. Ah, c'est deux spies. Hein. Ça va vite, hein. Ah, mais c'est parce que vous commencez plus tôt maintenant. Ouais, mais on finit pareil. Ça nous a déréglé, ouais, mais ça nous dérègle, tu connais. Ah, c'est ça, ouais, c'est. Ah, on n'a plus les mêmes repères. Ah, il n'y a plus les mêmes repères. C'est ça. Bon, il faut s'y faire en même temps. Ah, 19... mais tranquille. 19h50, début de l'émission, 20h50, la fin, juste avant de retrouver la radio libre de D-Fool et la roulette qui tourne. Skyrock t'offre ton casque Power Beats 2, l'album de Sam Smith, plus des bons d'achat de 50 euros. Yasmine de Montpellier, comment ça va Yasmine? Salut Yasmine. Bah écoute, on est bien, on est avec Cynic toute la semaine. Et on passe un bon moment, et toi aussi, ça va? Ouais, ça va, ça se passe bien. Tu es prête à faire tourner avec vous. Et tu es prête à faire tourner la roulette? Oui. Elle est lancée, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et ça va s'arrêter sur la case, c'est... Et ben voilà, album de Sam Smith et 50 euros en bon d'achat qui arrive à la maison pour acheter ce que tu veux, c'est pour toi. Ouais, trop cool. Et ben de rien, je te fais un bisou, Yasmine. Merci, c'est gentil, bisous à vous. Ciao, bonne soirée. Et ben tiens, on va en profiter aussi pour rappeler que ton album, il sera à 10 euros. Hein. Ouais, 10 euros en magasin, ouais, c'est important de le dire, hein, à cette période. Ben, en ces périodes, c'est dur, non mais c'est vrai que c'est... Voilà. Ah, mais t'as vu, on essaye de... Voilà. De se mettre à la page, donc ouais, 10 euros en magasin, et voilà, il y aura 14 titres, donc voilà, 14 balles. 10 euros, n'hésitez pas à vous procurer l'album de Cynic qui sort lundi 13 avril. Merci à toi, Cynic, pour cette soirée. Merci à toi, Fred, c'était cool. Bon anniversaire de nouveau à DJ Joy. Yes, le poteau, il est là. Piges. Et d'ailleurs, pour son anniversaire, il n'en a pas branlé une ce soir. Donc, on l'a laissé. C'était ton cadeau ce soir, voilà, bravo. Et bon anniversaire à toi, Joy. On va retrouver D-Fool qui doit être là dans le coin avec toute l'équipe. Bon anniversaire. Voilà. Exactement. Ah, il est refait, là. Ah oui. Eh ben oui. Bon anniversaire. Bon anniversaire, yeah. Oui. Comme tu le disais si bien. Bon, bien. Tu as vu qu'on a eu raison hier pour les scores ici. C'est l'artiste qui a eu raison. Ouais, ouais, ouais. 4-1. Il avait dit 4-1. 4-1, ouais. Ou plus précisément 4-1, ouais, j'ai bien noté. C'est ça. C'était le match du PSG. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Stéphanois du Foulon? Eh bien, écoute, on préfère se concentrer sur le championnat. Ouais, bien sûr. Car plutôt que de faire comme le PSG, c'est-à-dire de tout jouer et de risquer de tout perdre, on préfère d'avoir un but et un vrai dans la, la vie. Technique. C'est une vraie phrase de jaloux, ça. Ouais, ça, c'est vraiment. Pas du tout, cynique, c'est réfléchi. Bah oui, il y a réfléchi, oui, ça s'est forcé. C'est réfléchi, on a pensé à tout. J'ai cherché la réponse depuis hier soir, donc ça y est, on y est arrivé. Ça, je vois qu'ils attendent tout ça, tu sais, mais on ira jusqu'au bout. Eh bien, en tout cas, on aura des places pour le Barça contre le PSG à vous offrir dès lundi. Sur Skyrock, soyez là. Et puis demain, si vous écoutez Skyrock en Ile-de-France, on aura aussi des places pour Bastia PSG. Parce que PSG joue tous les deux jours. Samedi, la finale Coupe de la Ligue. Voilà, ça sera au Stade de France. On aura des places demain à vous filer. Puis demain, pour tout le monde, si vous aimez le Barça, si vous aimez le PSG, si vous voulez voir le gros match, ce sera lundi, mardi, mercredi dans le morning. Et mercredi, il y aura le grand match. À pas louper. Voilà, putain, on est premier sur le foot. Hein. Ouais. Termine Planète Rap en Planète Foot ce soir. Exact. Et bien Planète Rap, le retour, c'est avec Cynic demain. Yes. Et c'est la dernière de la semaine à pas louper. Ouais. Pour la découverte de l'album, pour retrouver Cynic, soyez là, 20h, 21h, c'est sur Skyrock que ça se passe. Et puis 21h minuit, c'est aussi sur Skyrock que ça se passe. Ça va démarrer dans un instant. Avec le premier son de la soirée, qu'est-ce qu'on va se mettre pour démarrer? On va se mettre Major Lazer, tiens, pour ouvrir ce soir. Parfait. Major Lazer avec Linon. Et bien c'est le son qui arrive tout de suite. Avec DJ Snake aussi, et avec Mo et avec Linon, le son qu'on va écouter tout de suite sur Skyrock. Nous on vous retrouve maintenant, vous pouvez même nous appeler dès maintenant. Je vois que l'équipe est déjà là avec vous au 01 53 40. Ouais. Dès que vous avez un truc à dire, vous profitez, n'effalez quoi avec nous et puis profitez du Planète Rap de demain. Cynic, le rendez-vous est bien pris. Fredo aussi. Bah oui, si on sera là. 20h, 21h. Ciao, ciao. À demain. Ciao.